Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. Verses 1 to verse 12. Les versets 1 à 12. He celebrates the dispensation. Il célèbre la dispensation. He discusses the dispensation. Il discute à propos de la dispensation. Right before the rapture. Juste avant l'enlèvement. Just before the rapture. Juste avant l'enlèvement. And then when the rapture takes place. Et quand l'enlèvement prend place. Let's read it, Daniel 12. Lisons-le dans Daniel 12. Verses 1 on. Les versets 1 et suivants. At that time, Michael the great prince. En ce temps, Michael, le grand prêtre. Who protects your people will arise. Qui protège ton peuple. Va arriver. There will be a time of distress. Il va y avoir un temps de détresse. Such as has not happened. Tel qu'il n'y en a pas eu. From the beginning of nations. Depuis le début des nations. Until then. Jusqu'à maintenant. You have to understand this. Vous devez comprendre ceci. That Daniel is an end-time prophet. Que Daniel est un prophète de la fin des temps. So he was seeing these days. Alors, il voyait ces jours. From then, depuis là, and he said, et il a dit, there will be distress, il va y avoir de la détresse, such as has not happened, tel qu'il n'y en a pas eu, from the beginning of nations, depuis le début des nations, until then, jusqu'à maintenant, then he says, et ensuite il a dit, but at that time, mais en ce temps, your people, vous peuple. If I were you and I meet your people, I underline. Si j'étais à votre place et que je rencontre vous, le peuple, je le soulignerais. At that time, your people. En ce temps, vous, peuple. Everyone whose name is found written in the book. Qui que ce soit dont le nom est écrit dans le livre. Will be delivered. Sera délivré. I would want to know whom the Lord calls His people. J'aimerais savoir. Qui le Seigneur appelle son peuple? 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verses 14 to 18. Les versets 14 à 18. He describes the people he calls my people. Il décrit les gens qu'il appelle son peuple. He says, il dit, what does righteousness have in common with wickedness? Qu'est-ce que la justice a de commun avec la méchanceté. You begin to see whom he calls his people. Vous commencez à voir qui il appelle son peuple. Then you begin to understand. Alors vous commencez à comprendre. It is a separated church. C'est un peuple séparé. He says, what does righteousness? Il a dit, qu'est-ce que la justice have in common with wickedness? A de commun avec la méchanceté. What does light? Qu'est-ce que la lumière? What does it have in common with darkness? Qu'est-ce qu'elle a de commun? What does the Baal worship? Qu'est-ce que l'adoration de Baal? What does idol worship? Qu'est-ce que les adorations d'idoles? Have to do with the temple of the Lord. Ont à voir avec le temple du Seigneur. And he says, et il dit, separate from them. Séparez-vous d'eux. And you will be my sons and my daughters. Et vous serez mes fils et mes filles. And you will be my people. Et vous serez mon peuple. And I will be your God. Et je serai votre Dieu. And you shall call on me. Et vous m'appellerez. And I will say, et je dirai, they are my people. Ils sont mon peuple. Separation. La séparation. If you meet Christians in the streets, si vous rencontrez des chrétiens dans la rue, and you ask them, et que vous leur demandez, are you born again? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Yes, I am born again, they will say. Oui, je suis né de nouveau, diront-ils. And yet at that time, et alors, en ce moment, she's wearing a tight miniskirt. Elle porte une mini-jupe. Tight. Très serrée. And crossing the streets. Et elle traverse la rue. To the other side of the street. Jusque de l'autre côté de la rue. And yet at that time, et alors en ce moment, she has a long slit. Elle a une longue jupe fendue. On her skirt. Sur sa jupe. And yet at that time, et encore dans ce temps, her breasts are naked. Sa poitrine est nue. You cannot even speak with her seated down. On ne peut même pas s'asseoir avec elle. Whether she's a clerk, qu'elle soit une employée de bureau, a secretary, une secrétaire, a lawyer, une femme de loi, a manager, une directrice, a bank manager, name it, une directrice de banque, vous pouvez les nommer, a sweeper, une nettoyeuse. separation. Une séparation. And your worship leaders. Et ceux qui dirigent la louange. The men, they fry their hair. Les hommes, ils trafiquent leurs cheveux. And put an earring. Et mettent des boucles d'oreilles. And they wear sagging trousers. Et ils mettent des pantalons relâchés. And they worship rap. Et ils adorent le rap. The church. L'église is now wearing the identity of the world. Est en train de vêtir l'identité du monde. God is saying, Dieu dit, if you want to be my people, si vous désirez être mon peuple, then separate from darkness. Alors, séparez-vous des ténèbres. Because you are the children of life. Parce que vous êtes les enfants de la vie. You are the children of the light of God. Vous êtes les enfants de la lumière de Dieu. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. The church. L'Église in her failure to separate a manqué de se séparer from the world. Du monde. She lost power. Elle a perdu son pouvoir and the authority of the Lord. Et l'autorité du Seigneur. And even the glory left. Et même la gloire a quitté. Listen to me. Écoutez-moi. My people, mon peuple, is a separated church. Est une église séparée. But if you see verse 2, mais si vous voyez le verset 2 of Daniel 12, de Daniel 12, verse 3 also, le verset 3 aussi, Daniel sees the rapture of the church. Daniel voit l'enlèvement de l'église. After the earthquakes, après les tremblements de terre. After the economic crisis, après la crise économique. Daniel saw these things. Daniel a vu ces choses. And the Lord sent me to prophesy them. Et le Seigneur m'a envoyé pour les prophétiser. But after this, mais après ceci, then Daniel sees the rapture. Alors Daniel a vu l'enlèvement. Multitudes who sleep in the dust of the earth, la multitude qui dort dans la poussière de la terre, will awake, va se réveiller. Some to everlasting life, pour la vie éternelle, and others to shame and everlasting contempt. Et les autres pour la honte et pour l'éternel mépris. But those who are wise, mais ceux qui sont sages, they will shine like the brightness of heaven. Ils vont briller comme la splendeur des cieux. But those who lead many to righteousness, mais ceux qui ont conduit beaucoup à la justice, they will shine like the stars. Ils vont briller comme les étoiles. Forever and ever. Pour toujours et toujours. The Lord is saying, le Seigneur dit that there will be a rewarding ceremony, qu'il va y avoir une cérémonie de récompense for that church that will enter, pour cette église qui entrera. And that's why the Bible says, c'est pourquoi la Bible dit, you must appear before the judgment seat of Christ. Vous devez apparaître devant le trône de jugement de Christ, the white throne of the Lord. Le trône blanc du Seigneur. Even the raptured church. Même l'église enlevée. What he says, ce qu'il dit, those who are wise, ceux qui sont sages. What is the meaning of wise? Quelle est la signification de sage? Which means he will glorify their cuerpos, he will glorify their bodies. Ce qui signifie ils vont glorifier leur corps. To be as bright as heaven. Pour être aussi brillant que le ciel. Job 28:25-28. Job 28, 25 à 28. When he established the force of the wind, quand il régla le poids du vent, and he measured out the waters, et qu'il fixa la mesure des eaux, when he made a decree for the rain, quand il donna des lois à la pluie, and a path for the thunderstorm, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, then he looked at wisdom. Alors, il vit la sagesse. And he appraised it. Et la manifesta. And he confirmed it. Il en posa les fondements. And he tested it. Et la mit à l'épreuve. And he said unto man, puis il dit à l'homme, for the fear of the Lord, car la crainte du Seigneur, that is wisdom, c'est la sagesse. And to shun evil, s'éloigner du mal, that is understanding, c'est l'intelligence. Now you understand. Maintenant, vous comprenez. Why the Lord celebrates wisdom? Pourquoi le Seigneur célèbre la sagesse? When the wedding of the Lamb of God draws near. Quand les noces de l'agneau s'approchent. Which means God is asking you. Ce qui signifie Dieu vous demande. In your Christianity. Dans votre christianisme. Have you lived a life? Avez-vous vécu la vie of the fear of the Lord? De la crainte du Seigneur? And you know, the answer is obviously no. Alors vous savez, la réponse est évidemment non. Because if you fear the Lord, parce que si vous craignez le Seigneur, you will try everything up and down. Vous allez essayer toutes choses, en haut et en bas, to walk in holiness. Pour marcher dans la sainteté. Because you will understand, parce que vous comprendrez that the only benchmark, que la seule marque, the only standard, le seul standard about God, à propos de Dieu, that is eternal, qui est éternel, from eternity, de l'éternité to eternity, à l'éternité, the only benchmark that matters, le seul point de repère qui compte to the Lord, pour le Seigneur, is holiness. C'est la sainteté. Listen to me. Écoutez-moi. That means he's asking. Ça signifie qu'il demande that you may turn away from evil. Que vous puissiez vous détourner du mal. Jesus made a deliberate effort. Jésus a fait un effort délibéré to go to the cross. Pour aller à la croix. If you follow the discourse that took place in the Garden of Gethsemane. Si vous suivez les discours qui prennent place au jardin de Gethsemane, then you see that there was a very tough moment. Ensuite, vous voyez que c'était un moment très ardu. There was pulling and pulling and pulling and being pulled. Ça tirait, ça tirait, ça tirait, et ça a été tiré. There was pulling. C'était tiré. There was a struggle. Il y avait une lutte. But he had to make a deliberate effort. Mais il avait à faire un effort délibéré. We need to make a deliberate effort. Nous avons besoin de faire un effort délibéré. He made a deliberate effort. Il a fait un effort délibéré. To go to the cross. Pour aller à la croix. We need to make a deliberate effort. Nous avons besoin de faire un effort délibéré. To choose the righteousness of God. Pour choisir la justice de Dieu. The Bible says, la Bible dit, in Jeremiah 29, dans Jérémie 29, he says, il dit, and you will seek me, et vous me chercherez. But when you seek me, et quand vous me cherchez, and seek me, et me cherchez, with all your heart, de tout votre cœur, I shall be found by you. Je serai trouvé par vous. Isaiah chapter 26. Ésaïe chapitre 26. Verse 19. Le verset 19. But your dead will live. Mais vos morts vivront. Their bodies will rise. Leurs corps vont ressusciter. You who dwell in the dust. Vous qui habitez dans la poussière. Wake up and shout for joy. Ils vont crier de joie. Your dew is like the dew of the morning. Ta rosée est comme la rosée du matin. The earth will give birth to her dead. La terre va donner naissance à tes morts. Verse 20. Le verset 20. Go, my people. Va, mon peuple. Enter your room. Entre dans tes chambres. You remember John chapter 14. Vous vous souvenez, Jean chapitre 14. Verse 1 to verse 3. Les versets 1 à 3. I go to the Father. Je vais au Père. To prepare a room for you. Pour vous préparer une demeure. And if I go to the Father. Et si je vais au Père. In my Father's house. Dans la maison de mon père. There are many rooms. Il y a plusieurs demeures. And if I go to prepare a room for you. Et si je vais pour vous préparer une place. That means I'll come back. Ça signifie que je veux revenir. And take you. Et vous prendre. That you too. Pour que vous aussi. Maybe where I am. Vous puissiez être là où je suis. That is the rapture of the church. Ça c'est l'enlèvement de l'église. And you see, Isaiah also saw it. Et vous voyez, Ésaïe l'a aussi vu. He said, go my people. Il dit, va mon peuple. And enter your room. Et entre dans ta chambre. And shut the doors behind you. Et ferme la porte derrière toi. Hide yourself for a little while. Cache-toi pour un petit moment. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que sa colère soit passée. See, the Lord is coming. Vois, le Seigneur vient. He's coming from out of his dwelling. Il sort de sa demeure. To punish the people of the earth. Pour punir les gens de la terre. For their sin. Pour leur péché. The earth will disclose the blood shed on her. La terre ne va plus cacher le sang versé. And will never conceal her slain. Elle ne couvrira plus les meurtres. In a summary, en résumé, this is what the Lord is saying, c'est ce que le Seigneur dit about the rapture of the church, à propos de l'enlèvement de l'église, about the wedding of the Lamb, à propos des noces de l'agneau. He is saying, il dit, that when the wedding of the Lamb of God is about to happen, que lorsque les noces de l'agneau sont près d'arriver, there will be a morning dew. Il va y avoir une rosée du matin. The morning begins at midnight sharp. Le matin commence à minuit. And then any second on this side, et ensuite, chaque seconde, is the morning already. C'est déjà le matin. And so he said, alors il a dit, that there will be a morning to you, qu'il va y avoir une rosée du matin, that will be very critical, qui sera très critique. In doing what? En faisant quoi? In bringing joy unspeakable, en apportant une joie indicible, into the church, à l'église. Why joy? Pourquoi de la joie? Because, parce que, when the authority of the blood of Jesus, lorsque l'autorité du sang de Jésus, will be restored by the latter anointing, sera restaurée par l'onction de la fin, the morning dew, la rosée du matin, into the church, dans l'église, then you will have something to smile about the church, mais vous aurez une raison de sourire à propos de l'église. Then you can walk into any restaurant, et alors vous pourrez marcher dans n'importe quel restaurant, and jump on the table, et sauter sur les tables, and tell them, et leur dire, hey, hey, how about Jesus of Nazareth? Qu'en est-il de Jésus de Nazareth? Who knows him? Qui le connaît? And somebody was eating there. Et quelqu'un qui mangeait là will jump on his table, va sauter sur la table, and say, hey, et dire, hey, I know him. Je le connais. The authority of the blood, l'autorité du sang, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, in the latter anointing, dans l'onction de la fin, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, in the end time outpour, dans le déversement de la fin des temps, is meant to centralize, a été fait pour centraliser, the blood of Jesus, le sang de Jésus, into the church, dans l'église, that when the pastor begins to preach, que lorsque le pasteur commence à prêcher, he will say the blood of Jesus, il va dire le sang de Jésus. When he preaches and preaches, quand il donne une prédication, he will say the blood of Jesus, il va dire le sang de Jésus. It will be about the blood, ça va être à propos du sang, the blood, du sang, the blood, du sang, the blood, du sang, and power, et du pouvoir. The blood of Jesus is power unto the gospel. Le sang de Jésus est un pouvoir dans l'évangile. The church today has thrown the blood of Jesus. Aujourd'hui, l'église a jeté le sang de Jésus. That's why there is confusion. C'est pourquoi il y a de la confusion. The false prophets are coming. Les faux prophètes viennent. They loot. Ils pillent. They say, I want only 10 people here. Ils disent, je désire seulement 10 personnes ici. And each of you has one good seed. Et chacun d'entre vous a une bonne graine. Only 10, I don't want more. Seulement 10, je ne désire pas plus. And he says, that seed is 100,000 shillings. Et il dit, cette graine c'est 100 000 shillings. If you don't have, you can pledge. Si vous ne les avez pas, vous pouvez mettre en gage. And they say, I don't want 11, I want 10. Et ils disent, je ne désire pas 11, je veux 10. And you see women running with checkbooks. Et vous voyez des femmes courir avec des carnets de chèques. Because the blood of Jesus has been thrown out. Parce que le sang de Jésus a été jeté dehors. The Father has sent me here. Le Père m'a envoyé ici. Even unto many nations. Même dans beaucoup de nations. To re-establish. Pour réétablir. The power of the blood of Jesus. Le pouvoir du sang de Jésus. In the church. Dans l'église. Listen to me. Écoutez-moi. He says, il dit, when the morning dew comes, quand la rosée du matin vient, there will be joy. Il y aura de la joie. And he says, et il dit, you sleep in the dust of the earth. Vous qui dormez dans la poussière de la terre, wake up and shout for joy. Réveillez-vous et criez de joie. And he says, et il dit, your dew is like the dew of the morning. Votre rosée est comme la rosée du matin. But when you move on, alors quand vous entrez là, then he talks about the room. rooms. Il parle à propos des chambres. That Jesus went to prepare for us. Que Jésus est venu préparer pour nous. And he says, et il dit, run and enter there. Cours et entre là. God is so loving. Dieu t'aime tellement. He gives everybody the same chance. Il a donné à chacun la même chance to repent. De se repentir. Like during the time of Noah. Comme du temps de Noé. And then, et ensuite, for those who will accept. Pour ceux qui accepteront to repent, de se repentir and not return to sin, et de ne pas retourner au péché, they will become the elect of God. Ils vont devenir des élus de Dieu, the children of God. Des enfants de Dieu. Then he will call them my people. Et il les appellera mon peuple. And when the rapture comes, et quand l'enlèvement vient, he will take them into the safety of heaven. Il veut les prendre dans la sécurité du ciel. As he strikes the earth, alors qu'il frappe la terre for sin, pour ses péchés. Then he says, ensuite il dit that any blood that was ever shed on the earth, que tout sang qui n'a jamais été versé sur la terre must now be revealed. On doit se repentir pour cela. It will be exposed. Ça va être exposé. Anyone that was ever killed, slain, qui que ce soit qui n'a jamais été tué ou assassiné must now be revealed. On doit se repentir pour cela. What is the meaning there? Quelle est la signification ici? That the latter anointing of the Lord, c'est que l'onction de la fin du Seigneur is meant for repentance, a été faite pour la repentance. Which means it is meant, ce qui signifie, c'est venu to expose sin, pour exposer le péché. That now it may call for repentance. Que maintenant il y a un appel à la repentance. And that's why I said, et c'est pourquoi j'ai dit that the end time revival, que le renouveau de la fin du temps is a repentance revival, est un réveil de repentance. The end time revival, le renouveau de la fin des temps, is a holiness revival, est un réveil de la sainteté. The end time revival, le renouveau de la fin des temps, is a righteousness revival, est un réveil de la justice. The end time revival, le renouveau de la fin des temps, is a Holy Ghost revival, est un réveil du Saint-Esprit. The Holy Ghost, le Saint-Esprit will expose the sin, exposera le péché. Read Revelation chapter 20, 15. Lisez Apocalypse chapitre 20, verset 15. Revelation 21, 27. Apocalypse 21, 27. Read 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Read 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 7. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 7. I want to handle the last conversation. J'aimerais prendre en main la dernière conversation. I want you to enter the kingdom of God. Je désire entrer dans le royaume de Dieu. Listen to me. Écoutez-moi. Nobody can sell the entry. Personne ne peut vendre l'entrée into the kingdom. Dans le royaume. I am now going to summarize another vision. J'aimerais maintenant résumer une autre vision. When we were in a meeting in France, in Paris, quand nous étions au rassemblement en France, à Paris, they said, ils ont dit, we hear that God has spoken in Africa. Nous avons entendu que Dieu a parlé en Afrique. Please come to us. S'il vous plaît, venez vers nous. Come to us also. Venez aussi à nous. And come here. Et venez ici. And start announcing from here. Et commencez à annoncer de là. Come and rebuke us also. Venez et réprouvez-nous aussi. Because we are also not walking well. Parce que nous aussi, nous ne marchons pas bien. So I went. Je suis allé. And then, et là, on the 11th of May, le 11 mai, the last night we were leaving to come back, la dernière nuit où on allait quitter pour revenir, this is mighty. Watch this. C'est puissant. Qu'est-ce que c'est? In the night at 2:50 a.m. Dans la nuit à 2h50 du matin, I immediately found myself in a vision of the Lord. Je me suis trouvé immédiatement dans une vision du Seigneur. And then there was so much bright light coming from heaven. Et il y avait tellement de lumière brillante qui venait du ciel. That was lighting that path. C'était des lumières dans le chemin. And I was walking on the path. Et je marchais sur ce chemin. And then all of a sudden, et ensuite, soudainement, the voice spoke, la voix a parlé and said, et a dit, look and see, regarde et vois, what has fallen at your feet. Qu'est-ce qui est tombé à tes pieds, walking, marchant. And when the voice came, et quand la voix est venue, shocked, choqué, instead of looking at their feet, à la place de regarder à mes pieds, because of the shock, à cause du choc of the voice, de la voix, I turned and looked up, et je me suis tourné et j'ai regardé en haut, where the voice came from, d'où la voix venait. And then I saw too much glory shining from there. Et j'ai vu trop de gloire qui brillait là. Too much glory shining from there. Trop de gloire qui brillait de là. But I saw, mais j'ai vu, a piece of paper, une pièce de papier, that was falling from heaven, qui tombait du ciel, like a kite, comme un cerf-volant, in the wind, like this, dans le vent, comme ça, and it came, et c'est venu, and fell right on my right foot, et c'est tombé juste sur mon pied droit, in that vision, dans cette vision, and I picked it, et je l'ai prise, when I picked that piece of note in the vision, quand j'ai pris cette pièce de papier dans ma vision, I looked at it, je l'ai regardé, and found out, et j'ai trouvé, that actually it was a written note, que actuellement c'était une note écrite. And then I found out it's a written note. J'ai commencé à réaliser, the more I looked at the note, que le plus je regardais à cette note, the more I realized, le plus je réalisais, it was actually handwritten, que elle était actuellement écrite à la main. It was handwritten. Elle était écrite à la main. Three times like this. Trois fois comme ceci. In descending order. Dans l'ordre descendant. Like this. Comme ceci. And the more I looked at it to scrutinize it. Et plus je la regardais, plus je la scrutais. Then I found out. Et ensuite, j'ai découvert. It was written using a blue pen, a fountain pen blue. Que c'était écrit avec de l'encre bleue, d'une plume à réservoir bleu. And the more I looked again, et plus je la regardais, and began to read, et j'ai commencé à lire, then I found that the first one on top is written, et j'ai trouvé que la première écriture au-dessus, it said, disait, I am coming. Je viens. The first one. Le premier. And then I went down to the middle one. Et ensuite, je suis allé plus bas, celui du milieu, and he said, et il a dit, I am coming. Je viens. And when I went to the third one, et quand je suis allé au troisième, it said, ça disait, I am coming. Je viens. Says the Lord. Dit le Seigneur. And then I jumped up. Ensuite j'ai sauté en l'air. And looked at my watch on the table. Et j'ai regardé ma montre sur la table. And I realized it was 2:50 a.m. Et j'ai réalisé que c'était 2h50 du matin. And as usual, et comme habituellement, run to the Bible, je vais à la Bible to find it, pour le trouver. But this is obvious. Mais c'est évident. I don't have to find this one here. Je n'ai pas besoin de le trouver ici. The message is clear. Le message est clair. Thus says the Lord. Voilà ce que dit le Seigneur. I am coming. Je viens. I am coming. Je viens. I am coming. Je viens. Says the Lord. Dit le Seigneur. The Lord is coming. Le Seigneur vient. It can never get simpler. Ça ne peut jamais être plus simple. If anybody will miss the rapture of the church, si quiconque manque l'enlèvement de l'église, then that is your fault. Ça sera de votre faute. Surely I have done everything the Lord has loved you in. Sûrement, j'ai fait toutes les choses avec lesquelles le Seigneur vous a aimé. I've done my utmost best. J'ai fait de mon mieux. Free of charge. Gratuitement. The way the Lord would have wanted. La manière dont le Seigneur le désirait. The Lord is saying, le Seigneur dit, that he is coming for the church. qu'il vient pour l'Église. And that means, et ça signifie, you have to prepare the way. Vous avez à préparer le chemin. In the book of Revelation, dans le livre de l'Apocalypse, chapter 3, le chapitre 3, I know that Revelation 22, je sais que l'Apocalypse 22, verse 7, verset 7, verse 12, verset 12, and verse 20, et le verset 20, he says three times, il dit trois fois, I am coming. Je viens. But also in chapter 3, mais au chapitre 3 aussi, verse 11, le verset 11, he says, I am coming soon. Il dit, je viens bientôt. Hold on to what you have. Tenez ce que vous avez. So that no one will take your crown. Afin que personne ne prenne votre couronne. Him who overcomes, celui qui vaincra, I'll make a pillar, il sera un pilier in the temple of my God. Dans le temple de mon Dieu. You remember in the book of First Peter, souvenez-vous, dans la première épître de Pierre, he says, il dit, he is the living stone. Il est la pierre vivante. Rejected by all men. Rejeté par tous les hommes. But you too are being built into living stone. Mais vous aussi, vous avez été construit en pierre vivante. That you may be the building block. Yep. Pour que vous puissiez être la construction of the house of the Lord. De la maison du Seigneur. And here he says, et ici, il dit, if you will hearken unto what you have received, si vous voulez prêter l'oreille à ce que vous avez reçu, without losing it, sans le perdre, he'll make you one of the pillars, il va faire de vous un des piliers in the house of Jehovah. Dans la maison de Jéhovah. In other words, the Lord is asking, en d'autres mots, le Seigneur demande, now that I have said I am coming, maintenant que j'ai dit que je viens, Church of Christ, Église de Christ, have you really held on to the pillars of the word? Avez-vous vraiment tenu dans les piliers de la parole? House of God. Maison de Dieu. Church of Christ. Église de Christ. Now that I have announced I am coming. Maintenant que j'ai annoncé que je viens. Have you held on to what you received in the beginning? Est-ce que vous avez gardé ce que vous avez reçu au début? What did you receive in the beginning? Qu'est-ce que vous avez reçu au début? You received the blood of Jesus. Vous avez reçu le sang de Jésus. You received the gospel of the cross. Vous avez reçu l'évangile de la croix. You never received the gospel of prosperity. Vous n'avez jamais reçu l'évangile de la prospérité. Only the gospel of the blood. Seul l'évangile du sang. And the cross. Et de la croix. Hold on to that. Gardez-le. Hold on to that. Gardez-le. Hang on to that one. Accrochez-vous à cela. Pastors. Les pasteurs. Change your preaching sermons. Changez vos prédications. You have an important key. Vous avez une clé importante. You can close revival. Vous pouvez fermer le réveil. Listen, everybody here. Écoutez chacun ici. Pastors. Pasteurs. Have the power to lock the door. Ils ont le pouvoir de fermer la porte. That revival may not enter. Pour que le renouveau ne puisse pas entrer. And they can go with all the sheep to hell. Et ils peuvent aller avec tous les brebis qu'ils ont. Except one thing. Sauf une chose. When the Lord sends somebody like me, quand le Seigneur envoie quelqu'un comme moi, and gives him authority to call the sheep, et lui donne l'autorité d'appeler les brebis, and tell them, et de leur dire, this is the way, c'est le chemin, we are going here, nous allons là, to the Lord, au Seigneur. I saw it in the Bible. Je l'ai vu dans la Bible. In the book of 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel. When Eli the priest, quand Élie, le prêtre, God had reached the place. Dieu a atteint l'endroit. The prophetic time had arrived. Le temps prophétique est arrivé. For God to do a new thing. Pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau. And the priesthood resisted. Et le prêtre a résisté. That is when the Lord raises other pastors. Et c'est quand le Seigneur élève d'autres pasteurs. But otherwise, mais sans quoi, he loves these pastors. Il aime ces pasteurs. If they are able to repent, s'ils sont capables de se repentir, and change direction, et de changer de direction, and take the church to heaven, et amener l'église au ciel. Listen. Écoutez. The word now, la parole maintenant. Is prepare the way. C'est de préparer le chemin. The kingdom of God is near. Le royaume de Dieu est proche. The vision of the golden clock of God. La vision de la pendule d'or de Dieu. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. Today, aujourd'hui, I have spoken about the need. J'ai parlé à propos du besoin. I have spoken about the importance. J'ai parlé à propos de l'importance. The gravity. De la gravité. And the seriousness. Et du sérieux. Of preparing for the coming of the Messiah. De se préparer pour la venue du Messie. I have said. J'ai dit. That the fact that the Lord has announced. Que le fait que le Seigneur a annoncé. That the wedding rings are ready. Que les anneaux de noces sont prêts. Those are spiritual wedding rings. Ce sont des anneaux de noces spirituels. That means. Ça signifie. We have to be in conformity. Nous avons à être conformes. If Jesus is the spirit-filled man. Si Jésus est un homme rempli de l'esprit. And the wedding rings are spiritual. Et que les anneaux de noces sont spirituels. And the kingdom of God is spirit. Et que le royaume de Dieu est esprit. Then what business does the church have? Mais quelles affaires l'église a? To be walking in the flesh. De marcher dans la chair. That we now need to prepare. Que maintenant nous avons besoin de nous préparer. A glorious wedding gown. Une robe de noces glorieuses. In our hearts. Dans nos cœurs. And I said, et j'ai dit. That glorious wedding gown. Cette robe de noces glorieuse. Is fine linen. Et du fin lin. Bright and clean. Brillante et propre. That is given to the church. Qui est donnée à l'église. In Isaiah 53. Dans Ésaïe 53. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. In Psalm 22. Dans le psaume 22, by the crucifixion of Jesus. Par la crucifixion de Jésus. And I said, et j'ai dit that right now, que juste maintenant when you receive the Lord, quand vous recevez le Seigneur and he washed you clean, et qu'il vous lave proprement somehow along the walk, d'une manière ou de l'autre le long de la marche, the devil has thrown some stains on your gown. Le diable a mis quelques taches sur votre robe. And the gown has many stains. Et la robe a beaucoup de taches. And it has many wrinkles. Et il y a beaucoup de rides. It is wrinkled. C'est ridé. And the Lord is saying, et le Seigneur dit that if you will repent, que si vous voulez vous repentir and turn away from sin, et vous détourner du péché as pastors, en tant que pasteur and as members of the church, et en tant que membre de l'église. Then at that time, alors en ce moment, he has promised, il a promis, Zechariah chapter 3, Zacharie chapitre 3, verses 1 to verse 7, les versets 1 à 7, he has promised, il a promis that he will give you rich garments, qu'il va vous donner un vêtement riche, and he will bring the authority of God, et il veut apporter l'autorité de Dieu back to the church, de nouveau à l'église, back to your life, de nouveau pour votre vie, back to your salvation, de nouveau pour votre salut, that you may inherit the kingdom of God, pour que vous puissiez hériter le royaume de Dieu. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. Even as I told you, comme je vous l'ai dit, that without holiness, que sans la sainteté, it does not matter, peu importe how many people you have led to Jesus, combien de gens vous avez amené à Jésus, how many people you have prayed for and have been healed, pour combien de gens vous avez prié pour qu'ils soient guéris, how many churches you have, combien d'églises vous avez, how many years you have been born again, depuis combien de temps vous êtes né de nouveau, it does not matter, ça n'a pas d'importance, what your position in the church is, votre position dans l'église, without holiness, sans la sainteté and the righteousness of God, et la justice de Dieu, you will not see, vous n'allez pas voir the kingdom of God, le royaume de Dieu. Have you really held on to the pillars of the word? Est-ce que vous vous êtes vraiment tenu sur le pilier de la parole? House of God. Maison de Dieu. Church of Christ. Église de Christ. Now that I have announced I am coming. Maintenant que j'ai annoncé